Excellence de Marie et son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, volume 2, troisième instruction, pour la fête du Saint-Nom de Marie le 12 septembre. C'est le propre des grandes choses de relever tout ce qui les touche dans des choses célestes et divines, il n'est rien que de céleste, que de divin, rien par conséquent qui ne mérite d'être l'objet de nos méditations. Quoi de plus petit, de plus indifférent qu'un nom? Dans les choses d'ici-bas, il mérite si peu d'attention qu'il est passé en proverbe que l'homme sage ne s'inquiète pas des noms. L'homme vraiment sage ne prête guère attention aux mots, il va plutôt aux choses qu'ils signifient, s'il les juge dignes de son attention. On pourrait regarder comme l'effet d'une petitesse d'esprit de ma part que de vouloir m'entretenir aujourd'hui, et vous entretenir avec moi, mon cher frère, d'un nom et rien de plus. Toutefois je ne pense pas qu'il en soit ainsi, quand il s'agit du nom Auguste de Marie. Je ne crois pas que ce soit là un objet insignifiant au point d'être indigne de notre attention, parce que l'Église est loin d'en faire si peu de cas, elle qui, toujours dirigée par le Saint-Esprit, a jugé bon de consacrer un jour chaque année à glorifier le nom de Marie. Nous devons l'estimer d'autant plus, que, si nous en croyons saint Antonin, il fut imposé à la Sainte Vierge, non par le caprice de ses parents, mais par suite d'une révélation divine qui leur fut faite. Comme nous savons qu'il en est arrivé au sujet de Jésus, notre divin Sauveur, et en outre de plusieurs autres personnages de l'Ancien Testament, on peut voir Benoît XIV, In festo nominis Mariae. Ne trouvez donc pas mauvais, ô dévots serviteurs de Marie, que nous nous arrêtions un instant en ce jour à méditer sur ce nom divin. Racontons, vous dirai-je avec Saint Bernard, racontons quelque chose de ce beau nom, puisque, ni Saint Bernard, ni l'Église catholique n'ont dédaigné de s'en occuper, entretenons-nous-en aussi quelque temps pour notre avantage spirituel, nous ferons premièrement quelques réflexions sur le nom lui-même, et sur l'usage que nous en devons faire, en second lieu nous parlerons de sa signification. Considéré en lui-même, je vous dirai, mon frère, que le nom de Marie doit nous être cher, parce qu'il appartient à un objet infiniment cher et aimable. C'est le propre de celui qui aime véritablement quelqu'un, d'estimer et d'aimer, non seulement sa personne en elle-même, mais encore le nom qu'elle porte. Mon Dieu, que ne font pas les mondains à ce sujet? Ils voudraient voir le nom de l'objet aimé gravé sur l'écorce de tous les arbres, imprimé sur chaque page d'un livre, ils voudraient l'entendre répéter à chaque instant. Ils le redisent eux-mêmes et dans la compagnie de leurs amis, et dans leur esprit, et durant leur promenade solitaire, en un mot, jour et nuit. Et malheur à quiconque oserait le proférer avec peu de respect, surtout avec mépris. Vous les verriez prendre feu sur le champ, peut-être même porter la main à l'épée. Mais laissons là les folies des mondains. Contemplez Saint Paul, ce cœur embrasé de l'amour de Jésus-Christ, ne savait faire autre chose, si j'ose le dire, que de répéter son nom adorable, lorsque je me suis trouvé parmi vous, écrivait-il, je croyais ne savoir que Jésus, 1 Corinthiens 2, 2, sa langue ne sait parler que de Jésus, parce que son cœur n'aime que Jésus. Il en est ainsi, la langue trahit le cœur, il n'est rien qu'elle répète plus volontiers que le nom de l'objet cher au cœur. Si donc, mon frère, nous aimons Marie, nous ferons le même usage de son nom infiniment aimable. Il rappelle à notre souvenir l'objet le plus cher à notre cœur. Mon Dieu, avec quelle douceur nous devrons donc le répéter désormais, avec quel respect, Quel dévouement! Aussi nous avions pu entendre un saint Louis de Gonzague, un saint Stanislas Kostka, s'il nous eût été donné d'entendre leur discours sur l'amour de Marie, nous eussions vu, mon frère, ces anges terrestres ne pouvoir, s'il est permis de le dire, détacher les lèvres de ce nom plein de charme, et mille fois plus doux à leur palais qu'un rayon de miel. Et pourquoi cela? On le comprend assez, c'est que leur cœur aimait l'objet chéri représenté par ce divin nom. Répétons-le donc souvent, mais avec effusion d'amour, avec respect, avec dévotion. Il importe d'autant plus de le faire que le profit que nous en retirerons ne sera pas de peu de valeur. Le Saint-Esprit dit que le nom de Dieu est comme une forte tour, et que celui qui s'y réfugie ne périra pas. Proverbe 18:10. Or je vous dis que la même chose se vérifie en proportion du nom de Marie, il est pour nous une tour de refuge, un mur de défense, un bouclier impénétrable au coup de l'ennemi infernal. Quand je prononce le nom de Marie, c'est ainsi qu'avait coutume de s'exprimer saint François d'Assise, quand je prononce le nom de Marie, le ciel s'embellit, la terre se réjouit, les anges tressaillent de joie, et les démons seuls saisis d'épouvante se dispersent, plus légers, et, plus prompts à s'enfuir que la poussière qui se dissipe à la face du vent. L'infernal ennemi tremble et frémit en entendant prononcer ce divin nom. Il se cache et s'enfonce dans les plus profonds abîmes, n'ayant pas l'audace de s'en prendre aux personnes qui sont protégées par ce nom, ainsi que le prouvent plusieurs très authentiques, et comme le savent ceux qui ont su tirer parti de cette arme puissante. J'ignore, mon frère, si vous le savez aussi par expérience, parce que j'ignore si jusqu'ici vous avez su vous prévaloir de ce bouclier impénétrable au trait de l'ennemi. Eh bien si vous ne l'avez pas fait encore, faites-le, je vous en prie, à l'avenir, faites-en l'épreuve, et vous connaîtrez par expérience l'efficacité de ce nom sacré. Qu'il me soit permis d'ajouter ici un mot pour condamner l'abus détestable que plusieurs font du très saint nom de Marie. Je ne dirai rien de celle en sacrilège qui ose insulter non seulement le nom, mais la personne même de la très sainte Vierge, par les plus infâmes blasphèmes, par les épithètes les plus indignes. À combien de ces malheureux, qui, ayant mis le comble à leur malice sont comme forcés de s'abandonner au plus déplorable désespoir, reconnaissant en eux-mêmes un signe non équivoque de l'endurcissement final, qui les précipite vers les abîmes éternels. Je dirai seulement que d'ordinaire un confesseur a le cœur plus vivement percé en entendant son pénitent s'accuser d'avoir insulté à la Sainte Vierge par ses blasphèmes, que s'il s'en était pris à Dieu lui-même, ou à notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi cela? Regarderait-il comme un péché plus exécrable de blasphémer la Vierge Mère, que son divin Fils Jésus? Non, assurément, mais c'est qu'on a coutume de reconnaître là un caractère de réprobation. C'est qu'il semble que toute ressource est ravie au malheureux blasphémateur et de la mère et du fils. Je ne m'arrête pas davantage à ce point particulier, car je ne suppose pas, mon frère, que vous en soyez jamais venu à un tel excès d'impiété. Je vous ferai demande plutôt, avez-vous pour ce nom sacré la vénération qui lui est due? L'invoquez-vous souvent? Dans vos périls, dans les rencontres fâcheuses ou imprévues, appelez-vous Marie à votre secours? Faites-le, je vous en prie, mais faites-le avec respect, avec dévotion, avec confiance. Je ne saurais approuver l'usage de le prononcer sans attention, à chaque instant, comme il en est temps qui le font, se servant de ce nom en guise d'interjection ou d'exclamation. Voit-il quelque chose de beau? Apprennent-ils une nouvelle? Jésus, Maria, cela ne doit pas être, mon frère, quand nous préférons des noms semblables, nous devons incliner non seulement la tête, mais surtout l'esprit et le cœur, pour rendre hommage à Jésus et à Marie. Il fut longtemps d'usage parmi les chrétiens, et c'est encore une coutume en vigueur dans le royaume de Hongrie, de ne donner au baptême le nom de Marie à aucun enfant, comme le rapporte Benoît XIV, In festo nominis Mariae, et cela dans la crainte d'avilir ou de profaner en quelque manière ce nom sacré, en le rendant aussi commun que les autres. Aujourd'hui l'usage contraire a prévalu parmi nous passe encore, mais au moins gardons-nous de faire prévaloir jamais l'usage de le prononcer sans dévotion, et surtout avec mépris. Que ce nom nous soit cher, parce qu'il appartient à une personne qui certes mérite de nous être bien chère. Disons maintenant quelque chose de la signification du nom de Marie. Quoique les noms, du moins aujourd'hui, soient d'ordinaire des signes purement arbitraires des choses qu'ils représentent, il ne faut pas penser qu'il en soit de même de ceux que Dieu donne lui-même, ou qui sont imposés par son commandement express, comme nous croyons avec fondement qu'il en est arrivé au sujet du saint nom de Marie, lequel, au dire de saint Bernard, est sorti des trésors divins. Dieu qui est infiniment sage n'agissant jamais au hasard, ou par caprice, mais toujours avec une souveraine sagesse, et pour des fins dignes d'une intelligence divine. Nous devons croire qu'il eut en vue quelque fin digne de lui en imposant à l'enfant qui venait de naître le très doux nom de Marie. Il ne sera donc pas inutile d'en rechercher la signification et l'étymologie. Beaucoup d'auteurs croient que cet admirable nom peut avoir non pas une seule, mais plusieurs significations, et je crois cette opinion assez bien fondée, car l'enfant auquel il fut imposé ne fut pas doué d'une seule qualité, mais bien d'une infinité de prérogatives sublimes. Examinons ces diverses significations pour notre instruction spirituelle. Les interprètes remarquent que Marie, dans l'original hébreu, signifie amertume, myrrhe, ou amertume de la mer, voir Cornelius à Lapide in chapitre 1er, Lucae. Suivant cette interprétation, chacun voit combien ce nom s'applique justement à la Sainte Vierge, qui peut dire, sans la moindre exagération, ma vie s'est consumée dans la douleur et l'amertume, et mes années se sont écoulées dans les gémissements, psaume 32. Quelle douleur profonde en effet, quels gémissements amers ne dut pas éprouver la très sainte Vierge au sujet de la passion cruelle de son bien-aimé fils Jésus, et cela non pas pendant quelques heures seulement, mais aussi longtemps, on peut le dire, que dura sa sainte vie. Mais il sera plus à propos de traiter ce point ailleurs, passons aux autres significations de l'auguste nom de Marie. Le juif Philon, saint Jérôme, saint Épiphane, et beaucoup d'autres assurent que ce nom signifie Domina Maris, maîtresse de la mer, ou encore Domina, maîtresse, dame, souveraine, dans le sens absolu et indéterminé. De quelque manière qu'on l'entende, le glorieux titre de dame ou de souveraine convient par excellence à la Sainte Vierge, qui exerce son empire sur la mer orageuse de ce monde. Elle est souveraine, et souveraine de la mer, elle commande, elle exerce sur elle une domination souveraine. Les flots et les vagues même se montrent obéissants à ses ordres. Je ne voudrais donc pas, mon frère, que votre cœur seul se montra rebelle aux doux empires d'une souveraine si puissante. Hélas, cependant, il n'est que trop vrai, nous devons l'avouer, il n'est que trop vrai qu'il en est ainsi. Tandis que tout, jusqu'aux éléments, se fait un mérite d'être soumis à vos ordres, mon cœur s'obstine et refuse de reconnaître votre domination. Mais, ô cœur insensé, pourquoi te comporter de la sorte? Pourquoi refuser d'obéir à Marie? Craindrais-tu qu'elle voulût t'opprimer par des lois sévères, ou par un joug accablant? Ah, ne crains pas, c'est la souveraine la plus sage, la plus indulgente qu'on puisse trouver. Soumets-toi donc à elle sans restriction, sans limite, et cesse de craindre. Elle est assez sage, et elle t'aime plus qu'assez pour ne te faire aucun mal, ou plutôt pour te combler de tous les biens imaginables. Enfin, l'interprétation la plus communément reçue de l'auguste nom de Marie est celle d'étoile de la mer. C'est ainsi que l'interprétèrent saint Isidore, saint Bernard, et beaucoup d'autres. Cette signification, ajoute saint Bernard, convient parfaitement à la Sainte Vierge pour plusieurs raisons. Premièrement, de même qu'une étoile transmet à la terre ses rayons, sans rien perdre de son intégrité, ainsi la Vierge Marie nous transmit, je ne dirai pas un rayon, mais la plénitude même de la lumière, le soleil divin, et cela sans la moindre lésion de sa pureté virginale. En outre, elle est l'étoile de la mer parce qu'elle est propre, par sa clarté, à diriger et à guider notre course, et à nous indiquer le port du salut éternel, non seulement à nous l'indiquer, mais à nous y conduire même par sa protection et son puissant secours. C'est donc vers cette étoile que doivent tourner leurs regards tous ceux qui savent à quelle tempête ils sont exposés sur cette mer. Le savez-vous, mon frère? Savez-vous quelle est la voie que nous devons suivre? N'allez pas croire que nous n'ayons qu'à voyager sur la terre ferme. Non, mon frère, non, nous avons à traverser une mer toujours en fureur, toujours agitée. Psaume 76, 20, c'est l'avertissement que nous donne le Saint-Esprit. Et en effet, quelle mer orageuse n'est-ce pas que notre vie sur la terre? Que de périls de naufrage n'y rencontre-t-on pas? Que de gouffres, que d'écueils, que de naufrages réels, que de corsaires rusés et méchants la parcourent en tous sens pour dépouiller les pauvres passagers. Celui qui ne connaît point tout cela, est aveugle, celui qui le connaît et qui ne craint pas, est insensé, mais celui qui le connaît et le craint, que doit-il faire? Doit-il renoncer à parvenir au port, s'abandonner au gré des flots, se livrer au désespoir? Non, jamais, mon frère, voici ce que nous avons à faire: tenir les yeux constamment fixés sur la bienfaisante étoile, sur le guide assuré de notre navigation. Gardons-nous de tourner ailleurs nos regards, défions-nous de le perdre jamais de vue, si nous ne voulons être vaincus par les tempêtes. Dans les périls, hélas, trop fréquent que nous rencontrons de perdre le trésor de la grâce divine, et de devenir la proie de l'ennemi commun, dans les doutes qui cherchent à troubler notre esprit, afin de l'envelopper et le renverser, dans les angoisses qui nous attaquent si souvent, dans les craintes, dans les abattements, nous ne savons que faire. Tournons nos yeux et notre esprit vers Marie, tournons vers elle notre cœur suppliant, afin d'implorer son aide et son secours. Agissons de cette manière, mon frère, et ne craignons rien, en suivant sa lumière, nous serons certains de ne pas nous égarer, en pensant à elle, nous marcherons dans la bonne voie, dirigés par elle, nous parviendrons sûrement au port de notre salut éternel. Une chose toutefois est à remarquer, c'est que si nous voulons obtenir sa protection, il ne faut pas faire défaut de suivre ses exemples, ainsi parle saint Bernard. Ô tendre mère, mère accablée d'amertume, notre mère et notre souveraine, Étoile brillante et matinale, guide assuré de notre navigation, c'est vers vous que sont tournés nos regards et nos cœurs, comme les yeux d'une servante sont entre les mains de sa maîtresse, ainsi nos yeux sont tournés vers le Seigneur, confère psaume 122, 1 et 123, 2. Vous êtes souveraine, et je vous reconnais pour telle, mais si vous êtes souveraine, je dois conséquemment être votre sujet et votre fidèle serviteur, je dois me montrer respectueux pour vos ordres, vous obéir en tout, vous demeurez parfaitement soumis. Je veux qu'il en soit ainsi, ô Marie, ma souveraine, une seule chose me fait peine, c'est de ne m'être pas conduit jusqu'à présent avec la fidélité que je vous devais. Vous êtes une étoile, et l'étoile de la mer, le guide de tous ceux qui voguent sur cet océan, et qui doivent y achever leur course périlleuse, c'est donc sur vous que mes regards doivent être constamment fixés pour que je ne vienne pas à m'égarer. Mais ne vous contentez pas de me montrer la voie par votre clarté, daignez encore m'obtenir la force de la parcourir avec sûreté. Vous le voyez, non seulement j'ignore la véritable route, mais en outre je suis trop faible pour la suivre avec diligence et promptitude. Obtenez-moi donc la lumière, obtenez-moi les forces de la suivre, et de parvenir heureusement là où il n'y aura plus rien à craindre. Markhamdan Archivorg 2023, d'après Books Google FR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.